Welcome, bienvenue. Vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui vous permet de découvrir toutes les facettes de la musique folk. Tout ça, eh bien, on le fait comme un voyage, une croisière. Vous allez vous balader et vous allez découvrir des artistes du monde entier. Et grâce à eux, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir vos horizons musicaux. Grâce à elles. Parce que sachez-le, toutes les deux semaines, on vous propose une programmation 100% musicale. Et aujourd'hui, eh bien, il y aura Sarah, Morgan, Wendy, Christina, Suzanne et bien d'autres qui, musicalement, vont vous accompagner. On a démarré avec Rose Greenwood des Dream Girl. Sachez que si vous voulez voir la vidéo, eh bien, c'est filmé dans un bateau et vous pouvez la voir sur notre page Facebook « La Croisière Folk ». Alors, c'est une artiste anglaise originaire du district de Rosendale dans le Lancashire. Elle a plus de 10 ans d'écriture à son actif. Elle a déjà sorti 3 albums, en prépare un 4e, et cette chanson Dream Girl, c'est sa seule chanson d'amour. C'est une œuvre assez touchante d'ailleurs. Elle est aussi touchante qu'unique. Et si vous voulez en savoir plus sur Rose, eh bien vous allez sur sa page Facebook Rose Greenwood Music. Et puis tout de suite, on va poursuivre avec Bobby, Nothing Ever Last. Et cet extrait de son premier album qu'on a découvert il y a quelques semaines, The Secret in the Ordinary. Sarah Burton, juste après Worth, Sticking Around Four. Et puis Rhonda Vincent avec Margaritaville. L'album, on l'a aussi découvert dans notre séquence 1, 2, 3. Et c'est Destination and Fun Places, son dernier album. Eh bien, notez-le peut-être si vous aimez la chanson, parce que ce sera peut-être un album que vous mettrez en dessous du sapin. N'hésitez pas. Je vous l'avais dit, on a une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk, mais si vous avez envie de nous écrire, eh bien, lacroisièrefolk@yahoo.com. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Some things need to change, baby. I think it is too late for you and me. I asked you to make a choice. I don't know which way to go. I'm so lost. There's nothing to save here. There's a storm gonna come, and we need to prepare. There's a door gonna close, we'll go our separate ways. Hey, sip of wine, then a thousand ones. I thought somehow wisdom would pour out if I drank wine. Friends say to me that I should just go out. Time will tell if we're meant to hold hands somehow. There's nothing to save here. There's no prayer left that we can claim. There's no God to call. Goodbye's our last amen. There's a storm gonna come that's so hard to bear. I have to admit it. Oh, this is the end. You made me beautiful when I just look back. Break us down. to both admit that nothing ever lasts. La Croisière Folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. The most beautiful girl in the world, so beautiful, beautiful. If you'll do for her, but not for me, well maybe you're just another lover I should set free. If I'm not enough to give everything, well I guess I should turn the car around, baby, give you back the ring. Not that you gave me one, not that you asked me, and not that anyone has before, and not that I should ever start to believe that I deserve more than I get. But I really do, and I keep getting punished for it. I took the wrong path and it got me here, but you're the best thing I know between the road and the beer. I tell myself I could have more, but I just can't leave, cause your kiss is worth sticking around for. No, I just can't leave, cause your kiss is worth sticking around for. I'm getting tired and I'm growing old, my body's got a mind of her own, or so I'm told. Tired of being tough, when is enough enough? Well, I'm just waiting on you to get your shit together, my love. Oh, baby, just get it together. I took the wrong path and it got me here, but you're the best thing I know between the road and the beer. I tell myself I could have more, but I just can't. I took the wrong path and it got me here, but you're the best thing I know between the road and the beer. I tell myself I could have more, but I just can't leave, cause your kiss is worth sticking around for. No, I just can't leave, cause your kiss is worth sticking around for. No, I just can't leave. Front porch swing, smell those shrimp. wasting away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a man to blame, but I know it's nobody's fault. Nothing to show but his brand new tattoo, and it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got there, he hasn't a clue. Wasting away again in Margaritaville, searching for my song. Some people claim that there's a man to blame. Now I think it could be his fault. Stepped on a pop top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon he will render that frozen concoction that helps him hang on. Wasting away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a man to blame, but I know it's nobody's fault. Some people claim that there's a man to blame, but I know it's all À l'instant, dans la croisière folk, Rhonda Vincent avec Margaritaville. Et puis tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nobody does it better. 1, 2, 3, c'est une des étapes de cette émission. C'est là où vous découvrez un album en trois morceaux. Et aujourd'hui, Casey Chambers avec Backbone. C'est une nouveauté. Elle est la reine incontestée de la country australienne. Et elle revient sur le devant de la scène avec cet album Backbone, dans, non pas du country, mais de l'Americana. C'est un album puissant et sans compromis qui dévoile son parcours de vie, ses triomphes, ses épreuves et tout ce qui se trouve entre les deux. Autoproduit et intensément personnel, cet opus se révèle comme l'œuvre le plus authentique et introspective de cet artiste. Casey le résume en un mot: bon ou mauvais, cet album est le reflet de qui je suis. Backbone ne se contente pas d'être un album, c'est en fait un véritable récit musical. C'est un voyage émotionnel qui retrace les hauts et les bas de sa vie, façonnant l'artiste accompli qu'elle est devenue. Pour ce projet, Chambers s'est entouré de ses collaborateurs de toujours, dont son père et guitariste Bill Chambers. Elle a également enrichi son équipe avec deux nouvelles recrues, Sam Teskey, des Teskey Brothers, dont les riffs de guitare empreints de soul apportent une profondeur inédite, et Brady Blade, batteur américain renommé pour ses collaborations avec entre autres Emmylou Harris. Cette combinaison de musiciens chevronnés et de nouvelles influences confère à Backbone une richesse sonore et une audace qui témoignent de la capacité de Casey à repousser ses propres limites. Avec cet album, Casey invite les auditeurs à plonger dans son histoire et à partager un instantané brut et sincère de son âme artistique. Donc l'album s'appelle Backbone, Kazé Chambers, c'est l'artiste. On écoutera trois morceaux, I Love Like Springsteen, Silver Rado Girl et bien sûr Backbone. Bonne écoute, j'espère que cet album va vous plaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, the top of the world for a Silverado girl. These years I know, well, they cover me up, but they come and go with highs and lows. Well, the river will rise, but the dust will blow you back downstream. But let's light it up like gasoline and blow this town to smithereens. 'Cause you are a Silverado running. The song I've known, taking the long way home, making our way to the top of the world for a Silverado girl. Custom blood and steel. We are the song they've known, taking the long way home, making our way to the top of the world, making our way to the top of the world, making our way to the top of the world. All grown up in the blink of an eye. Un, deux, trois. Well, they call me the desert child. I was born out in the wild. Ain't never been lost to the Southern Cross with a heart that runs a mile. While the train awaits arrival, I've learned to read the Bible. Just to sing like a bird and to whistle on down the line. Oh, my backbone, take me back home. Wherever you are, tell my star will leave the light. Well, the only road to find her from the tread underneath the tire. If the fox didn't howl, it'd save us now from the bit from the highest fire. And our hair, it grew like fire, like Samson and Delilah. But the rust wouldn't hurt from the dust and dirt that we used to bar. Tell them my star will leave the light on. spoken, will the circle be unbroken? And the voice went high from the family choir, and the moon it played in time. And the boxcar disappeared with a wave from the engineer, and I always came back for the coin. Southern Cross with a heart that runs a mile. C'est un nouvel album que je vous ai fait découvrir, tout nouvel album d'ailleurs, aussi pour Casey Chambers, Backbone. On a écouté trois morceaux à Love Like Springsteen, Silver, Rado Girl et Backbone. Le poème, puisque vous le savez que cette année, eh bien, nous fêtons le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Carême, poète belge, et on vous diffuse chaque semaine un poème de ce poète. Et aujourd'hui, c'est Destin. Alors, c'est une œuvre courte, hein, composée de deux quatrains qui explorent des thèmes universels comme la fragilité de la vie et l'inéluctabilité du destin. Il fait partie du recueil La Lanterne Magique, publié en 1947. Et puis, juste après Maurice, eh bien, c'est le seul homme de cette programmation. On écoutera Morgane G avec Graines de Vent, Carla Bruni, Prière, et puis Christina Pato, avec Nos Altos des Washington. Et cet extrait aussi d'un chouette album, hein, si vous arrivez à mettre la main dessus, The Galician Connection, un album qui date de 2010. Vous écoutez la Croisière Folk et croyez-moi, vous avez bien raison. Destin, inutile de te presser. Il s'est levé bien avant toi, bien avant l'aube et la rosée. Celui qui dessine les pas où tes pas viendront se poser. Que tu sois gueux, que tu sois roi, personne ne peut l'empêcher de marquer d'invisibles pas la route où tu voudras marcher. Tu mettras tes pas dans ses pas, et seul Jésus, dans son amour, se leva de si grand matin que c'est le destin à son tour qui posa ses pas dans les siens. Moisson et choisir son chemin, s'envoler à l'horizon, provoquer l'incertain. Au fond de sa vallée, perdu dans ses rêves. Chanter pour eux la nuit. À la poursuite du vent, où dansent les champs de blé.

Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Alors pour cette minute astuce, aujourd'hui, je vais vous poser une question très personnelle et très intime. Est-ce que votre libido est un petit peu raplapla? Pas de panique, eh bien je connais une plante qui, paraît-il, fait des merveilles pour revigorer le désir. En tête d'affiche, c'est le gingembre. Pour mettre du piment dans vos nuits, préparez-vous des infusions de racines de gingembre que vous pouvez adoucir avec un petit peu de miel. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, tout de suite, voici Wendy Beckerman avec Gone Wild, Suzanne Vega, Night Move. Et cet extrait en fait d'un 33 tours qui était offert dans un magazine. Le magazine s'appelle Fast Folk Musical Magazine, un magazine publié de 82 à 97, donc 97. Il faut savoir que c'est la première fois que Suzanne Vega avait une chanson publiée sur un 33 tours, parce que c'est vrai que son premier album éponyme, publié en 1985, c'était quand même 3 ans plus tard. Donc vous avez eu le plaisir d'écouter la première chanson de Suzanne Vega. Et puis pour info, la chanson Tom Dinners a été utilisée comme référence lors de la création du format audio MP3. Suzanne Vega en fait a appris ce fait par hasard en l'an 2000. Alors qu'elle déposait sa fille à la maternelle, le papa d'un autre enfant l'interpellait et lui dit « Mes félicitations à la maman du MP3 ». Alors Tom Dinners, c'est une chanson a cappella écrite en 81. La première sortie se fera en 84 dans le magazine Fast Folk. Et en 87, la chanson, alors enregistrée dans son propre studio, apparaîtra dans l'excellent album Solitude Standing. N'hésitez pas, vous avez notre page Facebook que vous pouvez liker, il y a plein de vidéos. Et puis, vous pouvez nous écrire aussi à notre adresse mail, lacroisierefolk@yahoo.com. Si votre voisin est chanteur folk et que ce qu'il fait est bien, n'hésitez pas à lui dire de nous envoyer son album. Les plus talentueuses chanteuses et musiciennes folk du monde entier, c'est dans l'émission La Croisière Folk. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. John went off the other day to learn what he talked about. His dreams had all divorced him and time wouldn't let him out. By his own hand he flew away with a note that talked about all the disappointment that made him take the easy way out. Gone a while, gone a while, gone, gone, gone, with the car keys in the car. Telephone rang, woke his girlfriend, and tears welled up in her eyes. She was now John's greatest surprise. He was always the strong one, the one without any doubts. Disbelief was unimportant. Words like that never came from his mouth. Gone a while, gone a while, gone, gone, gone. Basement he would hide with his headphones in the dark. But when it came up for air, he wouldn't go for a ride in his car. John had never been arrested, only held down by his fears. He would tell the world he was a dreamer after he put down a couple of beers. girlfriend. One day John would have been a great man. It was just a little different. She needed to understand. But things aren't always what they seem. Things aren't always understood. They just roll away and come back. John did the best that he could. La Croisière Folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Watch while the queen, in one false move, turns herself into a pawn. Sleepy and shaken and watching while the blurry night turns into a very clear dawn. Do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love one? Do you love me? Do you love any? Do you love none? Do you love 20? Can you love one? Do you love me? One false move and a secret prophecy. Well, if you hold it against her, first hold it up and see that it's one side stone, one side fire, standing alone among all men's desire. They want to know, do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love one? Do you love me? Do you love any? Love none, do you love 20? Can you love none? Do you love me? Well, if you wonder what I am doing as I am heading for the sink, I am spitting out all the bitterness along with half of my last drink. I am thinking of your woman who is crying in the hall. It's like drinking gasoline to quench a thirst until there's nothing there left at all. Do you love any? Do you love none? Do you love many? Can you love one? Do you love me? Do you love any? Do you love none? Do you love 20? Can you love one? Do you love me? And walk on her blind side was the answer to the joke. It said there isn't a political bone in her body. Well, she would rather be a riddle, but she keeps challenging the future with a profound lack of history. And watch while the queen, in one false move, turns herself into a pawn. Sleepy and shaken, and watching while the blurry night turns into a very clear dawn. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Hey you! Ça y est, c'est fini. La croisière arrive à bon port. La croisière s'amuse, pourrait-on dire, puisque c'est vrai qu'on passe quand même de bons moments à découvrir de chouettes morceaux musicaux. C'est du moins les réflexions que vous me faites quand vous écrivez un mail. Vous dites que c'est vrai qu'on découvre pas mal de choses, on apprend aussi pas mal de choses. Et visiblement, ben moi ça me fait plaisir parce que nous en sommes déjà à la 271e émission. On a fêté en septembre nos 5 ans. Et ben ça me fait toujours autant plaisir de pouvoir vous proposer cette émission. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient nouveaux ou anciens auditeurs. Sachez que vous êtes toujours, bien sûr, les bienvenus dans cette croisière folk. Et on se quitte avec John Baez, House of the Rising Sun. Et puis, moi, je vous dis au revoir. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales dans cette croisière folk. Bye bye. I'll be back. I am aware de la méfiance. Et la méfiance Elle est méfiante. Aware de la méfiance. Ah, attention, ça devient compliqué. Là. Non, c'est-à-dire que je mets en jeu pour toi de comprendre ce qui se passe, c'est que la méfiance est là. Et je suis conscient de cette méfiance. Là, je comprends plus. C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là là là là, c'est vraiment trop injuste. Je voulais savoir si vous avez pas vu un témoin, parce qu'il paraît qu'il y en a un qui s'est planqué dans votre propriété, là. Un témoin de quoi? Bah, pas un témoin de Jéhovah, hein. Un témoin de meurtre. Sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. Protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone open each and every door, all that I need, babe. No, go lightly from the ledge, go lightly. I'm not the one you want. I will only let you down. You say you're looking for someone.